Ouais, bonjour Blockbuster. La dernière fois que j'avais appelé, je savais que l'émission c'était sur Super Smash Bros. Et j'avais dit que c'était pas un jeu qui m'intéressait. Bah depuis j'ai écouté l'émission et bah ça m'intéresserait bien d'y jouer. Sauf que j'ai pas de Wii, j'ai pas de Nintendo 64, j'ai pas de Switch. Donc voilà, je fais un appel aux dons pour pouvoir y jouer. Et puis aussi peut-être trouver des amis qui veulent bien jouer avec moi, parce que bon, j'ai pas vraiment d'amis, j'ai que des alternatives à mon ennui. Voilà, allez, des bisous. Harder, bigger, faster, stronger. Le père de Ranma finit toujours en panda. Le père de Ranma finit toujours en panda. Le père de Ranma finit toujours en panda. To be or not to be, not to be. C'est marrant, quand on me demande d'où je viens, je continue de répondre Nancy, alors que ça fait plus de 20 ans que je vis en région parisienne. Mais je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas encore le badge qui me permettrait d'avoir l'audace et l'arrogance de me dire parisien. Au bout d'un certain temps sur le territoire, tu peux espérer avoir une carte de nationalité française. Parisien, par contre, c'est sur concours. L'art d'envoyer bouler les gens sans en avoir honte. Mais attention, Paris, c'est pas la France. Ça fait 20 ans que je vis ici, 20 ans que je suis fasciné par ces médias français capables de parler pendant des heures et des heures sur une antenne nationale de pièces de théâtre qui vont se jouer 8 fois dans un théâtre du 9e arrondissement, d'expositions éphémères, de concerts qui ne tourneront pas au-delà du périph. 20 ans et plus que je vois une capitale ne parler que d'elle, et pourtant, 20 ans que je la vois être surprise à chaque fois lorsqu'une question est posée aux Français. Le non-référendum à la Constitution européenne, on l'avait pas vu venir. Les gilets jaunes, on l'avait pas vu venir. L'abstention, on l'avait pas vu venir. Les antivax, les Baudins, les chevaliers du fiel, on n'a pas vu venir. Autant de phénomènes que Paris ne comprend pas. Être parisien, c'est passer la moitié de sa vie la bouche ouverte et les yeux écarquillés en se disant « je l'ai pas vu venir ». D'où je viens ? Ben, je vous l'ai dit, de Nancy. Ah oui, c'est vrai. Vous, à Paris, vous appelez ça les territoires. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Oh, c'est le retour de la légende de Jimmy. Même si je peux craquer à tout moment comme les jambes de Djibril. 2008, je lance le missile. Si t'écoutais pas de rap en 98, change de vinyle parce que je kick la prod à l'ancienne. Nique la mode, je viens kicker comme quand je kickais pour démarrer ma pod. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas le rap, les portables, shit, la DSP. Je reviens faire du bruit, j'ai le son qui frappe. Scred m'ordonné d'enfoncer clou comme Ponce Pilate. Comme d'hab, à Blaye et Grinch font les bacs. On est quatre, les cavaliers de l'apocalypse sont des bacs. Les jours passés se ressemblent un peu. Tout le temps, la tête dans les étoiles. Des tonnes de personnes défilent sous mes yeux. Pourtant je me sens si seul. Basique, basique, simple, simple. Basique, basique, simple, simple. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. Dernier shot, j'pète une clope, j'pète une clope. Quelle époque, mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. C'est du propre, roi de la pop, roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Le rappeur Orelsan, Aurélien Cotentin de son vrai nom, est la voix française d'un super-héros de manga, Saitama, One Punch Man. Un manga écrit par un auteur nommé One et le dessinateur Yuzuke Murata. Saitama est un super-héros neurasthénique, à la force telle qu'il abat ses ennemis d'un seul coup de poing. Mais malgré ses prouesses, ses collègues super-héros ne voient en lui qu'un dilettante oisif, pas crédible une seule seconde. Et c'est pas un hasard si Orelsan s'est senti proche du personnage. Car depuis le début de sa carrière, ce rappeur né à Alençon n'a eu de cesse de cultiver médiatiquement l'image d'un adolescent frustré et un peu dilettante. Mais quand on regarde la carrière de celui qui vient d'empocher sa 9e victoire de la musique en 13 ans, on s'aperçoit très vite que tel Saitama, Aurel San cache très bien son jeu. Pour revenir sur l'histoire de ce rappeur, j'ai avec moi Céline Pruvot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études italiennes à l'université Picardie-Jules Verne. Vous êtes également autrice, compositrice et interprète. Vous êtes passionnée par la chanson et vous menez des recherches sur la chanson contemporaine française et italienne et publiez des articles universitaires dans la collection Chansons des presses universitaires de Provence, dont un sur Aurel San intitulé « Les chansons malentendues d'Aurel San » publié en 2021 dans les presses universitaires de Provence. Mmh. Avec nous également, de retour, Raphaël Dacruz. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste spécialisé dans le rap chez Move, absolument. Bouscapé et l'abécédaire du son. C'est ça. Avec nous, et on est ravis de l'accueillir, Andy Serrant, bonjour. Bonjour. Vous êtes youtubeur depuis 2 ans et vous animez la chaîne YouTube Viens, on discute, que vous avez créée pendant le confinement et sur laquelle vous proposez des analyses pointues sur des œuvres et des artistes de rap. C'est gentil. Pour compléter, et on est ravis de l'accueillir pour la première fois aussi, Mehdi Igojil, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du développement média et du contenu de la chaîne YouTube Le Rap en Mieux, que vous avez créé en 2020 avec votre acolyte Yanis Boubaker, le rédacteur qui prête sa voix, son visage et sa plume à des analyses très pointues sur le rap français. Exactement. Ensemble, on va retracer le parcours d'Aurel San, son univers, le noyau qui compose son cercle d'amis. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent totalement dans la musique et les textes d'Aurel San ? On parlera de son évolution, des scandales et polémiques qui ont émaillé son parcours. Mais surtout, on essaiera de montrer en quoi Aurel San raconte peut-être bien mieux la France de 2022 que bien des éditorialistes. Rapper, je le faisais pour le fun, mais j'y croyais pas du tout. Je trouvais que c'était trop... trop impossible, je vois pas qui allait écouter un mec de Caen qui est pas stylé, qui a pas d'histoire. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, ouais. Pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats. Chanter dans les stages. Je crois que je suis perdu, je crois que j'avance dans le mauvais sens. Bientôt 26 ans, en pleine crise d'adolescence. Le concept c'est dans ma vie, je fais des trucs débiles. Comme ça je peux rapper, en parler, ramasser des billes. J'aime pas trop les filles, j'arrive pas à les accoster. De toute façon je parle pas aux gens, je connais pas tant que je suis pas foncé. Quand je m'énerve, je pleure, essaie pas de me contrarier. Je passe des jours entiers chez moi, je raconte ma vie à mon cahier. Des fois je vois tout en noir comme Gilbert Montagnier. Encore une soirée seule, ma main droite pour m'accompagner. J'arrive même à aimer les gens que je devrais détester. Viens bébé, on va tester mes nouvelles MST, j'ai aucun ego. Je suis pitié comme un blanc que je prends pour un négro. En cours sur le banc, le rentre devant avec les intellos. Dans la vie, tout ce que j'aime, c'est rien. Même rien faire, j'aime pas. Je me fais marcher sur les pieds, mais ça me gêne pas. Je suis perdu d'avance. Dans le rap, dans le taf, dans la vie avec les filles. Je suis perdu d'avance. Perdu d'avance. Non, j'ai jamais su relever aucun défi. Je suis perdu d'avance. Dans le rap, dans le taf, dans la vie avec les filles. Je suis perdu d'avance. Perdu d'avance. Si tu veux faire comme moi, entre dans la danse. Perdu d'avance. Perdu d'avance, tiré de l'album du même nom, sorti en 2009. Donc première question, Raphaël Dacruz. Oui. Qui est Aurel San ? Bah Aurel San, c'est un rappeur qui a grandi... vers Caen, justement. Vous parliez d'Alençon, la ville de sa ville de naissance, mais qui a ensuite fait son adolescence à Caen, et qui a commencé sa carrière entre le milieu et la fin des années 2000, officiellement, en tout cas ses premiers morceaux qu'on connaît, et qui depuis a connu une ascension assez fulgurante parce que il a su singulariser sa musique et parler à un public, je dirais pas qui était jusque-là étranger au rap, mais qui peut-être s'est reconnu dans, simplement dans ce qu'il représentait. En fait, il y a toujours une forme dans n'importe quel art, mais en particulier dans le rap, une forme de projection aussi des auditeurs sur ce que peut représenter et raconter les artistes, et je pense que c'est beaucoup le cas pour quelqu'un comme Aurel San. Et alors, on l'a entendu dans l'extrait, c'est quelqu'un qui est originaire donc de Caen, qui se définit lui-même comme quelqu'un qui n'était pas stylé. Comment on fait quand on vient de ce genre de région pour émerger dans un milieu qui est quand même très urbain, très connoté, cité, quartier, et qu'on est blanc en plus en venant de Caen? Bah déjà il y a une première barrière, c'est la province. Pendant très longtemps, le rap de province en France a eu du mal à exister. Le cas Marseille, c'est presque un miracle, et ça a surtout tenu à la volonté, à la passion et à l'acharnement d'Ayam, hein. Sinon dans les autres villes de province, il n'y a jamais eu vraiment de groupe ou d'artiste majeur, mais il y a eu une petit miracle qui est arrivé en France dans les années 2000. C'est la DSL, c'est l'arrivée d'Internet dans les maisons, dans les foyers. Et ça a permis à beaucoup d'artistes, dont quelqu'un comme Orelsan justement, de faire un peu plus connaître sa musique en dehors de ce centralisme parisien. Tout à l'heure, vous en parliez assez bien justement dans l'intro. On a un vrai problème avec ça en France. Et grâce à Internet, il a pu faire connaître sa musique. On est donc au milieu des années 2000. Il y a MySpace qui commence à arriver, qui est un des premiers gros réseaux sociaux. Et c'est grâce justement à ce réseau social-là qu'il va commencer à faire connaître sa musique. En plus, il l'a lancé vraiment aux prémices de MySpace, c'est-à-dire qu'il fait vraiment partie des précurseurs à avoir utilisé Internet comme un moyen de communication. Absolument. Là où certaines personnes balbutient encore avec ce média. Ouais, absolument. Ça a été un des premiers. Et puis, effectivement, vous le disiez assez bien, Frédéric, il y a aussi cette barrière de couleur de peau et aussi de classe sociale d'une certaine manière, de légitimement comment en fait c'est parce qu'il est fils de prof, Il vient de la classe moyenne, ils s'en est jamais caché, ça nourrit complètement sa musique. C'est un blanc de classe moyenne d'une ville de province, donc à l'échelle en fait du rap, les valeurs sont un peu inversées en quelque sorte. C'est difficile. Ouais, voilà. En plus, dans les années 2000, on était en plein dans cette street cred parce qu'on a un rap français qui s'est radicalisé pour tout un tas de raisons dans le contexte social et politique des années 2000 avec la politique sécuritaire de Sarkozy, l'ambiance post 11 septembre et 22 avril ou 21 avril, je sais plus d'ailleurs. 21 avril. Donc il y a tout ce climat-là. Il y a les ventes de disques qui baissent et qui affectent particulièrement le rap. Donc le rap se radicalise en quelque sorte. Et effectivement, Orelsan arrive avec un profil un peu atypique à cette époque-là. Et précisément dans un milieu où en fait le rapport de force est inversé. Justement dans le rap, c'est les minorités qui dominent et c'est normal. C'est leur musique à la base. Bah comment on arrive à s'imposer quand on est un blanc de classe moyenne qu'on représente le français moyen en quelque sorte. Et bah il va y arriver par son talent d'écriture. Il va vite être aussi reconnu pour ça par d'autres rappeurs. Des gens comme aussi bien Oxmo Puccino ou Sefiu vont dire en fait non, ce mec il est talentueux, il a de l'humour, il arrive à raconter en fait son quotidien comme nous on le fait ou on l'a fait. Donc c'est de cette manière-là, en plus via Internet, qu'il a réussi à se faire connaître quoi. Céline Pruvot, vous avez découvert Orelsan avec ses premiers albums ou avec les suivants? Alors moi je l'ai découvert via Stromae. En regardant le clip de Carmen, que je trouve magnifique, à la fin, je vois dans les crédits Orelsan. Donc je suis allée écouter parce que ça m'a interpellée. J'ai pas du tout une culture rap moi, donc c'est via la chanson du coup que j'y suis allée parce que je trouvais ça bien écrit et j'ai eu envie d'en connaître plus. Ouais. Et justement ces textes, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a donné envie de creuser un petit peu derrière l'image médiatique que le grand public peut avoir d'Orelsan et qui est souvent un petit peu qui est pas connue à la hauteur de son talent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller creuser plus loin? Bah ça m'a fait rire. Je sais que ça fait pas rire tout le monde, on en reparlera peut-être plus tard, mais les parodies de rap, pour le peu que je connaissais du rap, moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant, drôle et puis bien écrit en fait. Et puis assez accessible. Je sais que c'est une volonté qu'il a de rendre son univers assez accessible, mais ça fonctionne en fait. Oui. Et comment justement et là je me tourne vers Andy et Mehdi. Comment il a découvert le rap? Parce que je veux dire, on n'arrive pas à avoir un flow comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pas genre je vais m'inscrire au karaté ou au poney. Je vais m'inscrire au rap. Non, il faut quand même un certain don pour avoir un flow et poser sa voix sur un. Évidemment, il rappe déjà parce qu'il en a beaucoup beaucoup écouté et je crois qu'il découvre le rap français avec Ombre et Lumière. Absolument, c'est un grand combat combien. de IAM évidemment. Et il me semble qu'à la base lui c'était plus un fan de rock, de métal. Et en fait c'est les gars de son équipe de basket qui lui ont dit mais gros écoute du rap. Et je crois que c'est tout début des années 90, donc voilà 93, 95. Lui il avait 15 ans à peu près à ce moment-là. Il est né en 82. Donc l'adolescence, les potes du basket et voilà quoi, c'est parti. Adoubé par IAM avec le l'album Ombre et Lumière. Exactement, je pense qu'IAM c'est sa première claque en fait, à partir du moment où il a écouté ça, il s'est dit mais ça y est quoi. D'ailleurs sur Ombre et Lumière, on connaît IAM pour la qualité des textes et leur érudition et leur vocabulaire. Certains diraient même en ce moment en position anti-vax parce que on est sur France Inter, je sais qu'il y a des gens qui quand tu dis IAM désormais ils pensent qu'à ça, mais il faut pas oublier que Akhenaton et Shuriken c'est un des plus grands rappeurs. Akhenaton est un des plus grands rappeurs qu'Akhenaton. C'est énorme. Et justement sur l'album Ombre et Lumière, il y a effectivement des textes qui sont symptomatique qui caractérise IAM, mais il y a aussi des moments parodiques. Il y a toujours eu beaucoup d'humour. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'humour qui est proche aussi de ce qu'a pu faire Orelsan. Absolument. Tu vois, passe-moi le micro. Attentat. C'est le grand classique. Je danse le Mia. Oui. C'est une forme d'humour aussi, bien sûr. Beaucoup d'humour, ouais. Oui. Et je pense que justement, en parlant de ce titre-là, ça a aussi inspiré Orelsan à pouvoir envisager sa musique de manière art global et aussi soigner la dimension visuelle, les clips, et pouvoir s'en inspirer. Parce qu'on se souvient de la saga, notamment des clips d'IAM aussi, qui ont toujours été très très léchés. Et même celui de Je danse le Mia. Oui, clairement, oui. Si je peux rajouter quelque chose sur la culture musicale justement d'Orelsan, en fait, je pense que c'est simplement quelqu'un d'intellectuellement curieux, en fait, qui s'intéresse à tout, oui. Il s'intéresse au cinéma, il s'intéresse à la musique, il s'intéresse à Internet, il s'intéresse et ça, d'ailleurs, au manga, voilà. Ça d'ailleurs, on va y venir, c'est-à-dire que ce personnage d'adolescent un peu frustré, qui reste sur son canapé et dont il a même carrément fait un personnage avec Gringe. C'est-à-dire qu'il pleut beaucoup en Normandie aussi. Oui, qu'il pleut beaucoup, oui, voilà. C'est-à-dire, encore plus en voyant le documentaire réalisé par son frère, on se rend compte que il y a très peu de temps, tout le monde s'est émerveillé de voir l'happening qu'a fait Stromae au JT de TF1. Et en fait, Orelsan est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que quand il fait un documentaire sur lui, on sent qu'il maîtrise aussi ce qu'il a envie de faire connaître de lui. Et que l'écriture du personnage, je suis un jeune feignant, un peu adolescent attardé qui lit des mangas, ouais, etc. C'est aussi la construction d'un personnage fait bien par sûr un travailleur. Mais tout à l'heure, vous parliez de sa maîtrise du flow, justement. C'était ça le point de départ sur comment, en fait, il s'est construit en tant que rappeur. Dans le documentaire, justement, Ne montre jamais ça à personne, réalisé par son frère, il y a une séquence, un moment, je crois que c'est au moment de l'enregistrement du deuxième album, où il parle d'un morceau qui s'appelle Wild for the Night de Rampage, qui est un rappeur new-yorkais qui est assez peu connu du grand public, oui, hein. Et je pense que ça dit beaucoup, en fait, sur la passion qu'a Orelsan, en fait, pour le rap et la musique de manière générale. C'est quelqu'un qui écoute autant du rap très pointu que de la pop qui pourrait passer à la radio, en fait. Et ça se sent sur tous ses albums. En fait, c'est juste un bouffeur de culture. Et qu'il arrive à, derrière ses airs, effectivement, de nonchalant, de faux-lent. Au foot, il y a ce qu'on appelle les faux-lents. C'est des gens qui sont très efficaces sur le terrain, mais qui donnent l'impression de marcher. Et je pense que c'est un peu ça, Orelsan. C'est-à-dire que, il donne cette impression-là, mais c'est quelqu'un qui comprend très vite, à mon avis, et qui, dans sa tête, ça peut aller très vite, au contraire, qui arrive à très bien saisir les fonctionnements d'une chanson, d'un style musical, etc., et qui arrive à les ressortir en y appliquant son expérience personnelle, ses observations. Et j'ai envie d'ajouter, justement, Lady par Gugil. Rapport à ça, effectivement, il y a le facteur X dans sa carrière, c'est sa rencontre avec Skred. Exactement. Parce que, initialement... Alors, qui est Skred, justement? Skred, c'est un beatmaker qui vient de la même région. Il a grandi à Hérouville-Saint-Clair, qui est une ville justement de la banlieue de Caen. Ouais. Ouais, et ils se sont rencontrés lors de ses études universitaires. Dans une école de commerce. Exactement. Déjà, ça en dit long sur la culture et la logique intellectuelle que peut avoir Aurélien Cotentin. Et Skred, lui... La logique intellectuelle des écoles de commerce, ça a débattre. Moi, j'en viens d'une. Donc, avec les études... Sauf votre respect, mais j'en connais d'autres. Non, mais on est forgé quand même à avoir une manière de réfléchir, de devoir argumenter, de construire une idée. Et donc, du coup, Skred, quand il fait ses productions, ses instrumentales, très vite, il commence à toucher le gratin de la musique et de la musique urbaine, du rap français. Il réussit un de ses premiers placements sur le deuxième album de Booba, en fait. Oui, voilà. Tout de suite, ça le lance dans la machine du rap français. Voilà, comme on peut le voir dans le grand documentaire. Moi, j'avais le souvenir aussi qu'il avait placé des choses sur l'album Street Lourd All Star. Absolument. C'est suite à ça, en fait. C'est après, ok. C'est après, en fait, en 2004, il place pour Booba, et ensuite, parce que c'est une carte de visite incroyable, il arrive à placer pour des Rof, des Diams, justement. Et la boulette, c'est lui. Et la boulette, il y a participé. C'est pas que lui. C'est un morceau coproduit, mais effectivement, il a coproduit ce morceau-là, ouais. Ouais. Et du coup, ça a une influence, on va dire, dans l'art qu'a pu développer Orelsan. Il s'est essayé au beatmaking. Et très vite, Booba, notamment, a écouté ses instrumentales et lui a suggéré de passer à autre chose. Et voilà, en gros. Bon conseil, finalement. Exactement. Et il s'est attaché sur ses forces et l'influence aussi de Gringe, qui l'a beaucoup stimulé parce que Gringe, on va dire, c'était le génie du rap. Oui, c'est-à-dire qu'il commençait avec beaucoup plus de points au départ, mais il était, c'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Hein. C'est exactement. Ça, exactement. Voilà, c'est bien résumé. Voilà, fin de l'émission. Et puis la force de quelqu'un comme Skred, en plus, effectivement, c'est qu'il avait de l'avance en termes de beatmaking, mais c'est que avant de développer son talent de réalisateur avec Orelsan, il va le faire avec un rappeur qui s'appelle Nesbill, qui est un rappeur justement de ce sérail dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on appelait les rois sans couronne du rap français, cette période un petit peu maudite, des gens qui vont être très influents, qui vont être très écoutés, mais qui vont pas vendre beaucoup d'albums parce que c'est la crise du disque. Et en fait, Skred va réaliser ses 3 premiers albums. Donc on est entre 2005 et 2008, 2009, si j'ai pas de bêtises, peut-être même 2010. Et en fait, en l'espace de 3 albums, il va commencer à développer des idées. Et en fait, c'est ça la force de Skred. C'est-à-dire que c'est pas un producteur comme on entend souvent dans le rap, au sens où c'est quelqu'un qui va avoir un son très particulier pour faire des hits. C'est quelqu'un en fait qui très vite va comprendre que un bon morceau, un bon album, c'est une œuvre dans laquelle on va développer des idées qui vont faire correspondre le talent du rappeur, sa vision, son écriture, avec un accompagnement musical. Et c'est en ça que avec Nesbill, il va développer des choses qu'il va ensuite développer avec Orelsan, et que cette paire va si bien fonctionner aujourd'hui. Quand on parle d'Orelsan, Orelsan, c'est Skred et Aurélien. C'est presque ça en fait. Oui. C'est-à-dire que Orelsan, ça pourrait presque être un groupe en fait. Exactement, un petit peu comme Shadé. Quand on parle de Shadé, on pense évidemment à l'interprète, à cette femme avec une voix incroyable. Mais il y a tout un tas de musiciens derrière elle. Quand on pense à Drake, il y a aussi Noah Fortichibib derrière. Et ben en fait, c'est un peu la même chose pour Orelsan. C'est-à-dire que on parle de Skred, il y a aussi Gringe qui va faire ses bacs, il y a aussi Ablai qui va être une sorte de tête pensante, qui est un gars qui vient du 92, qui va être un peu le relais justement pour toute cette scène de Booba, etc. à un moment donné. Qui s'occupe de la cantine. Oui, qui s'occupe à un moment donné de la cantine, mais en fait qui s'occupe de toute la logistique, et qui est quelqu'un aussi qui donne beaucoup d'idées, et qui a quelqu'un qui est quelqu'un qui est un bouffeur de rap aussi. Donc et puis il y a tout qui illumine le groupe. Ouais, c'est-à-dire que là où on pourrait être des fois un petit peu down, lui il a une sorte de côté lumineux. Exactement, c'est ce que montre très bien le documentaire. Oui. Et voilà, en fait c'est cette dynamique de groupe qui fait aussi toute l'identité, je pense, et le travail collectif qu'il y a derrière les albums et la carrière d'Orelsan. Et ce qui est fou, c'est qu'on l'a dit, mais je pense que ça vaut le coup de l'insister, et c'est d'ailleurs ce qui explique que Orelsan a d'autant plus droit à un blockbuster qu'il est vraiment un pied aussi dans une pop culture très revendiquée, via les jeux vidéo, via le manga, via la bande dessinée, le cinéma d'animation. Et en fait, dans la constitution de son groupe, en voyant son parcours, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que non seulement il aime les mangas et plus particulièrement les shonen, les mangas comme ça où les groupes de jeunes garçons comme ça commencent en étant nuls et ils se dépassent, mais en fait avec ses amis, on est dans la constitution d'un groupe de shonen, mais typique, avec chacun sa personnalité. Il y a le Teze, Skred, pour ceux qui connaissent One Piece, c'est un peu le Zoro de l'équipe, qui parle pas, mais il est hyper efficace. Il y a Ablai, celui qui va être volubile, qui va tchatcher, et ça, le Usopp du groupe. Et en même temps, je sais pas quel est l'ordre, ce qui a trait à la, au storytelling autour de leur histoire, ou je pense que tout ça est très inconscient finalement. C'est juste qu'effectivement c'est une bande de potes. Ils ont un morceau qui s'appelle Dans la place pour être les casseurs flotteurs, et en fait Gringe dans ce morceau là dit chacun connaît un peu sa place et chacun connaît un peu sa réplique, en parlant de la bande de jeunes avec qui il a grandi. Et je pense que c'est un peu ça, c'est que finalement les choses se mettent assez rapidement en place quand on est une bande de jeunes, justement, qu'on soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Et effectivement dans la musique d'Orelsan, il y a cette forme de quête qu'il arrive à très bien sur laquelle il arrive à très bien mettre le doigt sur son dernier album, notamment parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Shonen, il y a un morceau qui s'appelle La Quête. Je pense que tout ça c'était très inconscient avant, mais il y avait toujours cette recherche de sens, cette recherche de développement personnel. Alors c'est un mot un peu dégueulasse maintenant qui veut dire tout n'importe quoi, mais finalement de trouver du sens à sa vie, principalement quand on est adolescent et adolescent. Et c'est pour ça que ce dernier album, il y a des choses intéressantes, parce que c'est un album maintenant un peu adulte. Ah bah oui, c'est vraiment Civilisation, c'est vraiment Il se pose des questions un peu sur le monde qui l'entoure et sur comment il va fonder une famille dans tout ça. Mais on sent qu'il y a ça, il y a toujours cette recherche de sens chez lui qui fait penser effectivement à ce genre de personnages, parfois de manga, parfois aussi de jeux vidéo. De jeux vidéo, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a gagné en XP et il a de l'équipement. Il a du stuff et voilà, maintenant il avance. Céline Pruvot, si jamais vous deviez définir à un néophyte l'univers d'Orelsan de par les chansons que vous avez pu écouter ou que vous avez pu aimer, comment vous résumeriez ça? Bah, moi, je trouve que c'est en équilibre entre vraiment différentes choses. Par exemple, il y a des chansons qui sont hyper premier degré, comme Jour meilleur. c'est vraiment une chanson gentille. D'ailleurs, elle est chantée. Et c'est celle qui est à la limite la plus proche du genre chanson dans cet album-là. Et il y en a d'autres qui sont extrêmement piquantes, extrêmement critiques, extrêmement polémiques. Et je trouve ça assez savoureux le mélange des deux. Le mélange, parce que c'est pas de la pure acidité tout le temps, c'est pas de la pure douceur tout le temps. Il y a ce côté un peu aigre-douce dans son univers que j'aime beaucoup. Et puis il y a des choses quand même, c'est assez subtil. Par exemple, je sais pas si on pense à sur le dernier disque Baise le monde. Oui. On l'entendra tout à l'heure, oui. Ouais, si on essaie de faire le pitch, de dire bon alors vas-y, écris un texte sur la dissonance cognitive. Sur l'écologie. sur l'écologie, ouais. Mais en plus en faisant vraiment le cliché de la chanson d'R&B, on vient en soirée, bien sapé et tout ça, beau, et en même temps il évoque la manière dont son jogging a été fabriqué, dont son cocktail, c'est fabriqué avec, qui a été pêché. Par des gens qui sont payés sur le greenwashing et cette histoire du cerveau qui va interrompre l'insouciance, ça parle de choses qui sont à la fois très individuelles et très collectives. Et cette expérience en fait qu'on peut vivre pour d'autres choses, pas forcément pour les crevettes et les survettes, mais d'être dans l'insouciance d'un truc et puis après on a le cerveau qui va culpabilité d'un mode de vie qu'on est en train dont on est en train de jouir, on appelle ça France Inter chez nous, mais je crois qu'il y en a qui appellent ça dissonance cognitive. oui. Je trouve ça assez. C'est vraiment fait avec finesse, avec intérêt, et c'est dur à traiter ce thème-là. Oui. Et c'est fait avec beaucoup de talent. Oui, justement, pour reprendre un terme que tu viens d'utiliser, Frédéric, dans ce morceau-là, Baise le monde, on sent pas de culpabilité. C'est justement de mon point de vue, c'est une de ses forces, c'est sa lucidité. C'est sa lucidité qu'il arrive à communiquer. Arrête-moi si je me trompe. Moi, je sens plus une forme de culpabilité intérieure. C'est-à-dire, je voudrais être dans l'insouciance, mais j'y arrive pas parce que j'ai trop d'infos. Et parce qu'il est pas assez bourré aussi. C'est une belle conclusion. Parce qu'il en parle, il dit qu'il a un peu calmé l'alcool. Oui. Et c'est ça aussi. On est insouciant à partir du moment où. Oui. Mais en fait, c'est ça la force des choses dans Restad, c'est qu'il a souvent des angles d'attaque. Par exemple, un morceau, on a entendu un extrait tout à l'heure, comme des fêtes de famille. C'est une manière de brosser un portrait de la France moyenne, moyennement classe, comme il va dire dans un autre morceau d'ailleurs, en faisant des espèces d'archétypes. Oui, il joue beaucoup sur les clichés. Hein. Exactement, d'archétypes, de personnages qu'on peut retrouver à peu près dans n'importe quelle famille. Il le fait très bien dans Manifeste, sur son dernier album aussi. Oui. Il le fait très bien avec un casting plus réduit. D'ailleurs, il le fait lui-même. En fait, il s'archétypise. Mmh. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, comme l'artiste qui se veut un peu déconnecté de la réalité, mais qui en fait finalement comprend très bien ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment son mode de fonctionnement. C'est-à-dire, vous n'allez pas me voir venir. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que je suis ou que je comprends ce dont vous êtes en train de parler. Genre moi, ça me dépasse la politique, l'actualité. Et en fait, il suffit juste de trois phrases avec lui pour dire. En fait, non, t'en connais beaucoup plus que bien moi. Bien sûr. Et dans des fêtes de famille. C'est ça aussi, en fait, il arrive à croquer des phénomènes de société politiques, sociaux et culturels, juste avec quelques personnages de famille, comme ça, enfin, c'est quand même un morceau choral, hein. Et il le fait très bien parce qu'au début, on a vraiment juste l'impression que c'est un mec qui est sur le point de dire un discours complètement bourré, justement, une fête de famille. Et d'ailleurs, fascinant dans cette histoire, c'est qu'après un morceau tel que celui-ci, sa famille lui parle encore. Ouais. C'est surtout ça, en fait, le gros problème. Ça prouve son talent. Oui. Et justement, on parlait des clichés et on va poursuivre d'explorer le parcours d'Orelsan. Mais on va écouter un extrait de son dernier album, L'odeur de l'essence, tiré de l'album Civilisation, sorti en 2021, où justement, il aligne certains clichés, mais il le fait bien.

très grivois et très explicite justement sur le sexe. Je pense que c'est aussi quelqu'un, il s'en est jamais vraiment caché, qui a grandi aussi avec la culture porn internet. Et donc effectivement avec Gringe, ils ont fait ce morceau qui est un morceau qui, malgré le fait qu'il s'appelle Saint-Valentin, est un morceau explicitement sexuel parfois. Et qui n'est sûrement pas le pire qu'ils aient pu commettre tous les deux. Je sais pas, ensemble tous les deux, il y a peut-être Les Putes et Moi. Ah oui, moi je trouve que vraiment voilà. Sur l'album Casseur Flotteur, ouais. Vraiment que celui-ci c'est le plus compliqué. Et donc voilà, c'est un morceau qui, comme beaucoup d'autres morceaux de rap explicites, que ce soit en français ou en américain, est évidemment à prendre au second degré. Il y a aussi un morceau qui va, celui-là créer la polémique, qui va être un morceau comme Sale Pute, et tenons à le préciser encore, hein, des morceaux comme Saint-Valentin ou Sale Pute, c'est des morceaux qui seront ensuite pas dans sa discographie, c'est des morceaux avec lesquels il va se faire connaître justement sur internet, mais qui sont pas ensuite dans sa discographie, qui va pratiquement plus jouer très rapidement, mais qui vont suffire en fait à mettre effectivement au début de sa carrière le feu aux poudres, parce que ça va attirer les foudres de certaines associations féministes, de certains élus. Et effectivement, c'est-à-dire que des morceaux comme ça, si on les prend en premier degré, c'est des morceaux qui sont effectivement choquants. C'est-à-dire un morceau comme Sale Pute, où il dit qu'en gros il va faire subir les pires sévices jusqu'au meurtre à son ex, c'est effectivement... Et bah justement, parce que quand on écoute certains de ses textes, il y a effectivement plein de gens, Orelsan, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je brûle pour Orelsan, je brûle. Un jour, on reçoit un coup de fil du tourneur d'Astérios. Les gars, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de avec Sale Pute? Orelsan. C'est d'une violence extrême. Il va faire créer une grosse polémique. Les paroles de l'une des chansons du rappeur français Orelsan peuvent-elles relever de la justice? Qu'il menace de représailles jusqu'à la mort. La provocation à la violence est passible de 5 ans d'emprisonnement. Tes grands-parents, ils croyaient qu'Aurel allait faire de la tôle. Il y a des groupes féministes qui envoient des textes d'Orelsan à tout le monde, qui extraient les paroles de Sale Pute. Je vais te mettre en cloche et t'avorter à l'opinel. Mais c'est ta faute, t'étais jamais là. Qui les sortent du contexte en disant qu'Orelsan prône la violence envers les femmes et des choses comme ça. Tu te dis que c'est un malentendu un peu, tu vois. Un mauvais moment à penser. Ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est de voir qu'ils écrivent des textes d'une violence pas croyable. Ils sont là, non mais c'est tiré du contexte, c'est un malentendu. Non, je pense que c'est très très bien entendu, mais simplement ça choque certaines personnes. Mais en fait, c'est ce que disait, justement on parlait d'Akhenaton tout à l'heure, ils ont un morceau qui sort en 1997 qui s'appelle Dangereux, dans lequel en fait Akhenaton dit ce qu'on autorise au cinéma, ce qu'on autorise aux séries, ce qu'on autorise à la littérature... Pour le rap, on n'a pas le droit, en fait. On n'a pas le droit à la fiction, on n'a pas le droit au second degré. Je veux dire, quand on prend des films comme Irréversible, quand on prend Orange Mécanique, quand on prend des romans comme Millennium, qui sont extrêmement violents, justement, avec des violences misogynes, je crois pas qu'ils ont été interdits de diffusion ou à la vente, ou ce genre de choses, en fait. Et là, là où je mettrais un nota bene, c'est que par exemple dans Millennium, la victime se venge. Non, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Mais il y a quand même la description d'une scène qui est très difficile. Je dis pas que ces personnes-là ont pas le droit d'être outrées par les paroles. Je serais peut-être une femme qui a subi aussi des violences sexuelles comme celle qui décrit Orelsan dans ces morceaux-là. Peut-être que ça me choquerait aussi. Hein. C'est juste que il y a un moment donné dans le rap, de manière générale, que ce soit fait par des artistes blancs de classe moyenne ou surtout souvent sur des artistes d'origine immigrée qui viennent de classe populaire, on leur interdit en fait le fait de faire de la fiction, de faire du second degré. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec cette histoire avec Orelsan, un peu comme ce qui s'était passé dans les années 90 avec un morceau comme Sacrifice de poulet, où le ministère Hammer dit puisque vous nous tirez dessus, on va sacrifier des poulets, quoi. Je voudrais vous faire réagir tous et toutes sur ce sujet, parce que je suis complètement d'accord avec vous, Raphaël Dacroze, sur le fait que ça soit une fiction et que ça soit du second degré. Et effectivement, quant à Tarantino, fait des films sur lesquels personne ne revient. Parce que Johnny Hallyday recule pour un fou. Michel Sardou a eu... Qui va violer des femmes. Voilà. Donc, mais simplement, je pense que il y a un éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas véritablement assumer, qui est qu'il faut, à la base, juste avoir l'idée d'écrire ce texte. Oui, c'est vrai. Et est-ce que, finalement, c'est la chanson qui pose problème? Ou là, je pense que tout le monde, les associations de féministes peuvent dire, bah oui, on a droit à une... Mais c'est surtout, quel est le terrain sur lequel on peut faire germer ce genre de discours ? Et je pense que c'est peut-être ça qui est plus perturbant, de se dire que certains auteurs peuvent poser ça sur le papier en se disant « Ok, si jamais j'étais comme ça, c'est ce que je ferais. » Et est-ce que c'est pas ça qui est plus mis en lumière derrière cette chanson ou derrière certains textes de rappeurs que finalement le droit à la fiction ou à la liberté d'expression qui effectivement est un droit artistique ? Je me fais l'avocat du diable. Oui, mais faut pas oublier que c'est une parodie. Et c'est ça qui a posé problème aussi dans la réception et dans tout le malentendu qu'il y a pu avoir dans ces chansons-là. C'est qu'elles ont pu circuler déjà sous forme de texte. Hein, c'est un mot qui vient de revenir pas mal. Oui. Si on a que le texte, dans Saint-Valentin par exemple, l'essentiel de ce qui permet de comprendre que c'est une parodie, c'est à l'image. C'est à l'image. C'est à l'image. L'interprétation aussi d'une certaine manière. Ouais, mais il est en caleçon rose, oui, dans une voiture minable, avec un gros cupidon, avec des ailes. Bodybuildé avec des ailes en plastique. Enfin, si on a l'image, on a vraiment de façon très très claire beaucoup de choses qui vont nous coder l'ironie. L'autre chose qui est super importante, c'est de voir de quoi on se moque, qu'est-ce qu'on parodie. Et pour tout un tas de personnes qui n'ont pas du tout de culture rap et qui ne savent pas ce que c'est que le gangsta rap, enfin qui voient ça en voyant pas de quoi on se moque, qu'est-ce qu'on parodie. On en revient aux caricatures de Charlie Hebdo, comment elles sont interprétées suivant si on a une connaissance du second degré ou même de la culture Charlie Hebdo qui existait autour de ces caricatures ou non. Oui, et ça, c'est propre à la circulation des œuvres sur Internet hors contexte et sans note, sans dire, hé, au fait, je parodie ce truc-là. Ça circule et ça peut être pris au premier degré par n'importe qui. Ça peut être pris avec uniquement le texte par n'importe qui. Et du coup, on comprend pas. Et c'est le cas. C'est dur, en fait, je trouve, de faire de la parodie, de l'ironie sur Internet, parce qu'on n'a pas forcément la source de la parodie. Et je pense que pour ce cas-là, c'est vraiment au cœur de ce qui s'est passé. Pour répondre à votre question sur comment avoir l'idée, l'idée, elle vient du référentiel. En fait, elle vient de ce qui est d'aller se moquer. J'ai l'impression des outrances, mais de faire un rap, d'essayer de faire le rappeur américain, mais en Normandie. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Bon, il va essayer d'être sexiste, parce que c'est apparemment ça qu'il faudrait faire pour être un bon rappeur, mais c'est fait avec beaucoup de moquerie, en fait. Je te rejoins justement dans l'idée de la contextualisation des choses. Aujourd'hui, on est en 2022. La cause féministe en général a vraiment pris plus d'ampleur, notamment par rapport au mouvement MeToo, etc. Le morceau Sale Pute, il sort en 2008-2009. Dans le contexte, à ce moment-là, il y avait beaucoup de non-dits. Il y avait beaucoup de choses qui Ah ouais, c'est tabou. C'était tabou. Et justement, Orelsan, avec le caractère qu'on lui connaît d'être plutôt impertinent, de vouloir s'imposer et proposer des idées, il l'a fait plutôt naïvement. C'est pour ça qu'on entend dans l'extrait que Skret dit c'est un malentendu. Il a voulu aussi présenter des idées que beaucoup de personnes ont peut-être déjà eues, mais qui sont restées vraiment dans la partie intime et tabou. Oui, il a ouvert une porte sur les goûts de l'inconscient d'un homme. Et voilà, c'est là-dessus. C'est assez clair. Après, comme vous le dites, il a été dépassé aussi par la réaction que les gens ont eue. Totalement. Ah oui, non, il a complètement été dépassé. Parce qu'elle n'est pas sur l'album, cette chanson. Déjà, parce que c'est un morceau qui faisait quasiment plus, encore une fois, et qui n'est pas sur l'album, comme Saint-Valentin d'ailleurs, donc il était passé en quelque sorte à autre chose. Et puis, c'est un vieux fantôme qu'on a sorti du placard à ce moment-là. Et ça a été effectivement très difficile parce que, alors qu'il est au tout début de sa carrière, qu'il commence à défendre son album sur scène, qu'il a bonne presse, il y a des tournées, enfin il y a des concerts qui sont annulés pendant sa tournée, il y a des festivals qui le déprogramment, et alors qu'on est dans une période où précisément la vente de disques dégringole, les artistes vivent surtout par la scène. Donc à un moment donné, je pense que quand on est un jeune artiste comme lui à cette époque-là, on se dit je vais peut-être pouvoir vivre de mon art. Vivre de mon art à cette époque-là, c'est surtout par la scène, et d'un seul coup, ça aurait pu être un arrêt assez définitif à la suite, quoi. Il a prouvé le contraire. Et surtout, il comprend pas, parce qu'en fait, c'est une polémique qui arrive 3 ans après avoir fait les morceaux et sorti les morceaux. Donc en fait, lui, il comprend même pas pourquoi tout d'un coup ça sort. En fait, il s'y attend pas du tout, quoi. Il est surpris, et on le voit dans le documentaire. Il est très très mal par rapport à toute cette histoire, quoi. Il se retrouve à faire de la politique, comme il dit dans son album. Et lui, il pensait juste faire une petite promo tranquille, et tout d'un coup, toutes les associations féministes sont sur lui. Après, moi, je pense, juste pour revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Je pense que c'était aussi symptomatique d'une bande de potes qui était sans femmes autour d'eux et donc il n'y avait pas forcément, pas forcément cette empathie. Mais c'est exactement, c'est là le malentendu. C'est exactement fait, ça que je... Eux, dans le, pour eux, c'est des blagues et tout ça, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est possible. Je ne dis pas que c'est bien ou pas, que c'est possible de mal le prendre. Voilà. Oui. Ils avaient pas, ils avaient, c'est vraiment, ça se sent quand on voit le documentaire. C'est une bande de potes de mecs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça pour dire que c'est évidemment une fiction. Mais il faut pas tomber dans le l'excès inverse de dire les gens qui se sont plaints sont forcément des gens qui n'ont pas compris. Non, je pense qu'il y a des bonnes raisons d'être outré par ce morceau-là. Ah bah le texte tout seul. Disons en plus c'est un morceau globalement, enfin déjà à l'époque moi je le trouvais de mauvais goût, il est encore aujourd'hui musicalement en termes de texte etc. Effectivement moi je pense que même un homme d'ailleurs il peut être complètement outré par ce texte-là. Il a honte un peu de ce morceau je pense. Bien sûr. C'est un peu un mauvais morceau. C'est un peu fait exprès. C'est une mauvaise blague entre mecs, justement, voilà. D'un truc un mec qui a 23 ans, voilà, avec ses potes. De rupture passionnée, il y a les pensées les plus sombres qui nous passent par la tête, on va mettre ça en chanson. C'est pas un bon morceau, en fait. De toute façon, c'est pas un bon morceau de musique. Donc, oui, je pense qu'il s'en est vite décroché, mais ça lui a permis aussi, je pense, de muscler son jeu artistiquement. C'est-à-dire que comment ensuite, sur des sujets un peu sensibles, par exemple dans son deuxième album qui est donc Le Chant des Sirènes, il y a un morceau qui s'appelle Finir Mal et qui parle justement de rupture amoureuse, oui. Et dans lequel parfois il retourne un peu les choses en disant je suis même prêt à ce que tes frères me tabassent et me pètent les jambes avec des battes de baseball. Enfin, il commence en fait aussi à montrer qu'on peut montrer de la nuance dans ce genre d'excès passionné sur les relations amoureuses. Tout à l'heure, Frédéric, tu posais la question justement sur comment définir Aurel San. Je pense qu'effectivement chez Aurel San il y a aussi ce truc de carence affective, amoureuse et sexuelle dans cette quête justement de personnel et de recherche de soi qu'il arrive au fur et à mesure à dépasser. Ça se sent beaucoup sur ses derniers albums où il parle beaucoup plus d'amour, de monogamie, etc. Et je pense que voilà, sur ce genre de texte sur lequel si on essaie de mettre de la passion, il faut faire preuve de maîtrise et de nuance. Une histoire comme celle-ci, ça lui a servi de leçon aussi pour comprendre que avoir un morceau aussi hardcore, finalement, ça servait ni son propos. C'est-à-dire que la frustration sexuelle n'excuse pas tout. Exactement. Exactement. Voilà, et c'est ce que les femmes lui ont fait comprendre, les féministes qui ont manifesté. Voilà, pense que la vie et l'expérience aussi. D'ailleurs, il le dit dans son dernier album. Merci à mes ex de m'avoir fait comprendre que j'étais un sale con. Ça m'a permis de changer, quoi. Donc, je pense que même déjà dans sa vie, si parfois il pouvait avoir ce genre de remarques, j'en sais rien, mais La vie et sa carrière artistique, ça lui a fait comprendre effectivement que sur ce genre de thématique, on ne peut pas faire n'importe quoi, quoi. Et comme à chaque fois qu'il y a des polémiques, des journalistes s'en emparent, des éditorialistes, des politiciens qui sont évidemment trop contents de pouvoir afficher leurs oripeaux de chevalier blanc. On dit « Oh, il faut dénoncer ces horreurs !» C'est rappeur. Alors qu'on a des ministres... Qu'on leur fasse bref. Mais toujours est-il que c'est vrai que c'est ce genre de cas de rappeurs qu'on peut mettre à l'index sur des textes et qui permettent de créer une sorte de virginité politique pour certains politiciens. Absolument. Est-ce que dans un étrange effet Barbara Streisand, c'est pas aussi ce qui a fait connaître Aurel San au grand public? Parce que jusqu'à maintenant, il avait sorti un premier album qui était salué par la critique, mais c'était un petit succès. Et tout d'un coup, ça devient le rappeur polémique que Ségolène Royal cite, voilà, on voit plein de sénateurs qui font « je suis scandalisé » qu'on laisse faire, Christiane Taubira qui s'est exprimée aussi, enfin, est-ce que c'est pas ça aussi qui a assis la notoriété d'Aurel San de manière... Bah, c'est évident, hein. De toute façon, à chaque fois qu'un responsable politique ou qu'il y a une sorte de cirque médiatique autour d'une œuvre, et là, puisqu'on parle c'est de le rap... C'est le meilleur cadeau, en fait. Non, mais tu vois, par exemple, si on reste dans le rap, un truc comme La France de Sniper, quelques années plus tôt, Sniper, c'était un groupe qui avait un certain succès. Ce morceau, il sort en 2001, il est ressorti du chapeau en 2003 au moment de la sortie de leur deuxième album. Enfin, c'est pareil, c'est un morceau qui faisait sa vie et il n'y avait pas de souci, quoi. Et d'un seul coup, Sniper, c'est devenu un peu l'ennemi public de la France et des responsables de la nouvelle UMP. Bah voilà, en fait. Et c'est exactement ça. C'est un effet Streisand qui a complètement, en fait, donné une nouvelle assise de public et de notoriété. Alors, c'est un peu du bad buzz, hein. Mais ça l'a fait connaître, ça l'a fait découvrir. Peut-être qu'il y a plein de gens qui se disaient, mais c'est qui cet énorme con? Et en fait, ils ont écouté son album, ils font, ah, en fait, c'est pas mal ce qu'il fait. Donc c'est certain que ça lui a fait de la pub aussi, d'une certaine manière. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. T'as peu besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. La Terre est ronde, tirée du Chant des Sirènes, le deuxième album d'Orelsan sorti en 2011. Le Chant des Sirènes qui est une véritable renaissance pour Orelsan. Et comment ça s'est passé pour que... Parce qu'on sent vraiment qu'il s'est complètement réinventé à ce moment-là. Andy Serron, qu'est-ce qui s'est passé sur le Chant des Sirènes pour que Orelsan se recrée comme ça? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai l'impression qu'il a eu une déprime. Je sais pas si je peux dire dépression, je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que il a dû se remettre de cet épisode dont on a longuement parlé. Et je pense qu'en fait, soit ça aurait pu le tuer, soit s'il repartait, c'était un super-héros, en Railsan, donc. Et ça a été, il en est ressorti un peu plus fort. Et je pense que c'est le premier album aussi où il assume de vouloir être populaire. Parce que sur Perdu d'avant, c'est quand même un album très rap, même s'il commence à faire de la chansonnette et tout. Mais là, on sent une volonté de tout de suite devenir populaire. La Terre ronde, oui. Ce qu'on vient entendre, c'est le meilleur exemple, évidemment. Bah, qui est reprise en concert par le public. C'est-à-dire que c'est vraiment une chanson qui est faite aussi en cadeau au grand public pour qu'il puisse s'exprimer. Évidemment. Et c'est le moment où moi, je sais, autour de moi, par exemple, je sais que sur Perdu d'avance, il y avait que des mecs qui écoutaient Orelsan à partir du Chant des Sirènes. Je vois énormément de filles, moi j'ai à peu près à ce moment-là j'ai 16 ans, énormément de filles qui viennent au concert, qui chantent et tout, qui se disent Orelsan, c'est mon rappeur préféré. Donc pour moi le Chant des Sirènes c'est le passage ça y est, c'est un grand artiste qui compte en France, quoi. Et il y a aussi évidemment un homme derrière cette transformation, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, mais David Thomas, voilà. Thomas. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, qui est ce monsieur? Alors, c'est un réalisateur, éditeur, vidéo, etc., qui a beaucoup geeké et qui touche beaucoup en motion design. Donc, il l'a aidé à faire une refonte complète sur le personnage Orelsan. Même physiquement, il l'a mis Exactement, au sport. Exactement, c'est ça. C'est vraiment son initiative, ses prérogatives de voir avoir une silhouette qu'il allait pouvoir vendre, justement, comme un produit, en fait. C'est un peu ce que Andy disait, c'est que là, il s'est professionnalisé tout simplement. Bien qu'ils étaient déjà structurés dans l'équipe avec Scred. Ablaye et Gringe. Exactement. Mais là, à ce moment-là. Quoi que structurer Gringe, ça a l'air d'être un peu. Mine de rien, ça c'est quand même utile, justement, d'avoir quelqu'un qui gravite dans ton environnement, qui te, ça ramène beaucoup d'élan. On parlait de ça tout à l'heure. Et donc Tomaszewski, il avait des ambitions aussi qualitatives. Parce que jusque-là, Orelsan était dans une démarche aussi artisanale. Il voulait tout faire. Tout était fait à l'arrache. Exactement, et c'était sa marque de fabrique. Et là, avec Monsieur Tomaszewski, c'est dur à dire hein, au bout d'un moment. Ben oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai pas commencé. J'ai lancé le challenge de le faire, de le répéter. C'est très bien. Donc du coup, avec lui, là, il passe à vraiment un next level. Et c'est pour ça aussi que les grands médias, le grand public, là, il est obligé de s'incliner. Et juste pour compléter avec David Tomaszewski, en fait c'est même avant de rencontrer Orelsan, c'est un esthète, c'est-à-dire c'est Exactement. Quelqu'un qui adore mettre en scène le beau et il va aider Orelsan à devenir beau, on va dire pour le grand public dans les clips, etc. Et tout va être on va dire magnifique, ou en tout cas il y aura cette ambition là de devenir beau et arrêter d'être ce loser, quoi, casser l'image de Perdu d'avance. Et qu'avez-vous pensé de cet album Le Chant des Sirènes? Est-ce qu'il y a un titre en particulier qui vous a marqué sur cet album quand il Rafael da Cruz. Moi c'est Rael San. Totalement d'accord. Moi c'est Rael San, c'est là où en fait il exceptionnel. C'est sa note d'intention dès le départ quand il sort le clip avec ses yeux bandés, enfin avec le masque plutôt. Le loup. Exactement, le loup. Et non, bah voilà, c'est en fait dans le rap, l'adversité c'est un moteur, c'est un carburant. Ça peut être de l'adversité sociale, ça peut être de l'adversité économique, ça peut être de l'adversité parce qu'on a des ennemis, si on est dans le gangsta rap, ce genre de choses. Et là en fait, chez Rael San, ça a été ça, c'était l'adversité comme carburant pour parce qu'il a traversé ces épreuves là ces deux dernières années où il a failli complètement faire foirer son début de carrière. Et ben en fait, il revient plus fort. C'est un morceau de revanche constructive parce que c'est aussi une revanche sur soi-même avant d'être sur les autres. Et voilà, je trouve que ce morceau est formidable en termes de rap aussi. En termes de placement de flow, etc., c'est un morceau qui est très fort. Oui, parce que ça, on l'a pas assez dit, mais en termes de technique, Rael San, en plus, c'est ce qui n'était pas forcément gagné, parce qu'il a une voix un petit peu traînante, ça reste la barrière de péage la plus difficile, je pense, pour beaucoup de gens chez Rael San. Hein. C'est-à-dire, j'ai encore des gens qui aujourd'hui reconnaissent son talent, me disent, mais en fait, je suis incapable d'écouter Rael San, sa voix, c'est pas possible, quoi. Et je peux le comprendre. Hein. Enfin, je veux dire, on parle de musique, donc pour un interprète, la voix, c'est l'outil principal, quoi. Et c'est vrai qu'il a un flow incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je faisais la comparaison avec le football en disant que c'est un folant. Quand on écoute un morceau comme San, par exemple, il est capable de faire des espèces de changements de placement où c'est jamais de la démonstration pour de la démonstration. C'est toujours à escient, ou même l'odeur de l'essence qu'on a entendu tout à l'heure, hein, c'est toujours à escient en fait pour porter son texte et ce qu'il a raconté dedans et ce qu'il est capable de faire, parce que précisément c'est quelqu'un qui a étudié le rap américain, le rap anglais aussi, c'est très important pour lui dans son parcours. Et ben en fait, il arrive à maîtriser plein de nuances d'interprétation, de cadence et de flow, quoi. Et alors, c'est le moment aussi où la galaxie Rael San, on a parlé de David Tomaszewski. Bravo. Mais il y a aussi plein d'autres collaborations qui arrivent. La galaxie Rael San, on a l'impression qu'elle grandit. Il y a Stromae qui arrive, il y a Gims, etc. Et il y a tout un aspect collaboratif chez Rael San qui est très très important. On le disait tout à l'heure avec Céline Pruvot, effectivement, il écrit aussi, il compose pour d'autres. Comment ça s'est développé, ça? On a l'impression qu'il est plus discret là-dessus, mais il a commencé à avoir des billes un peu partout. Bah, en fait, ça, il le disent aussi dans le documentaire. Écrire pour d'autres, je pense que c'est au moment où il a une petite période de traversée du désert aussi, c'est-à-dire qu'il a toujours un pied dans l'industrie musicale, il est moins mis en avant, mais il va commencer à écrire pour d'autres, je crois notamment pour Olivia Ruiz, si je dis pas de bêtises. Et puis en fait, pour ce qui est des featuring, c'est la nature du rap, hein. On aime bien collaborer, on aime bien aller se frotter à d'autres, parce qu'il y a aussi un esprit de compétition, justement, souvent quand les featuring, c'est des performances, en fait, c'est des morceaux où on va performer, on va avoir les meilleurs punchlines, les meilleurs flows, etc. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, quoi. Et au début de sa carrière, ce qui est très marquant par rapport à maintenant, c'est qu'il va aller chercher des featuring avec des artistes qui n'ont absolument rien à voir avec lui. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'impression de sentir une volonté d'aller chercher un nouveau public aussi à chaque featuring. On a parlé, celui de Janelli a fait beaucoup parler. Ouais. C'est un featuring un peu spécial. Il est allé collaborer avec Lafouine, avec Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, oui. Donc en fait, pour lui, c'est une occasion. Je pense qu'il voit ça au début de sa carrière. Maintenant, il a plus besoin, mais de se faire connaître, quoi. Oui. On parlait de Nesbill tout à l'heure, par exemple, un morceau comme Nesbill, qui est un morceau comme Magros, c'est pareil au premier degré, qui est absolument misogyne. Mais là, il grossit tellement le trait, justement, que ça reste drôle si on apprécie effectivement aussi ce genre d'humour gras, quoi. Mais voilà, c'est pareil, Nesbill, c'est complètement l'opposé du spectre de ce que peut être Rael San à ce moment-là, en 2010. C'est Skret qui les réunit, mais ils arrivent à faire un morceau tous les deux où ils montrent leur talent, justement, pour cet humour-là, quoi. Et alors, question, c'est vrai que lui, Aurélien, change, mais est-ce que le groupe Rael San change aussi? Est-ce que ça a un impact sur Ablaï, Skred, qui eux aussi évoluent avec lui? Ou est-ce que ça reste les gardiens du temple? Attends, n'oublie pas que nous, notre base, c'est quand? C'est cet appartement, c'est la débrouille, c'est l'artisanat. Je sais pas si c'est si théorique et implacable que ça. Je pense que Rael San, c'est quelqu'un qui arrive à faire de la musique. Et c'est pour ça que sa musique fonctionne autant, parce qu'il est en phase avec lui-même à un moment T. Le Chant des Sirènes, c'était effectivement un album dans lequel on sentait qu'il était affecté par sa nouvelle vie d'artiste. Un morceau comme Le Chant des Sirènes le raconte très bien, en grossissant le trait. Hein. Un album comme La Fête est finie, c'est un album dans lequel il y a beaucoup de fantômes du passé. C'est un album, pour le coup, un peu dépressif, justement. La dépression, c'est précisément ça, c'est quand on est enfermé dans le passé. Donc je pense qu'il est en phase avec lui à ce moment-là. Et un album comme Civilisation, c'est un album qui est anxieux, précisément parce que lui il pense beaucoup plus sur cet album-là. Et aux générations futures. Voilà, et il pense beaucoup, ouais, beaucoup plus à l'avenir. Des générations futures. Donc je pense qu'en fait c'est juste quelqu'un qui est en phase avec lui-même et c'est pour ça qu'aussi qu'il fonctionne aussi bien. C'est parce que il arrive très bien à se regarder dans le miroir, à comprendre un peu c'est quoi ces énergies positives ou négatives du moment et à les retranscrire dans des morceaux et la raison pour laquelle aussi, bah, il le dit dans un morceau du dernier album, son plaisir, c'est de voir aussi son public vieillir avec lui. Et effectivement, là, Orelsan, donc il est de 82, je crois, cette année, il va avoir 40 piges. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que ces nouvelles réflexions d'adultes, ça correspond aussi à comment son public est en train de vieillir aussi sur ce genre de questionnement-là, quoi. Alors, Le Chant des Sirènes, c'est deux victoires de la musique en 2012 pour artiste rap de l'année et révélation de l'année. Et après la polémique et la récupération qui en a suivi, c'est quand même absolument phénoménal de voir un retournement médiatique autour d'un artiste à tel niveau. C'est-à-dire qu'on est quand même passé de Orelsan et cet artiste blacklisté partout à le gars arrive avec son album Révélation. Moi, je l'ai vu arriver à France Inter sur la playlist. Enfin, il y a quelque chose de surréaliste. J'avais jamais vu ça avec d'autres artistes. Bah, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a le travail. C'est parce que, encore une fois, après cette polémique, il y a une dizaine d'années, il a réussi à rebondir. Il a beaucoup tourné. Hein. Je crois qu'en 2013 ou 2014, avec les Casseurs Flotteurs, c'était le groupe qui a été le plus programmé dans les festivals en France. Donc on n'est même pas à l'ère du streaming du rap, c'est-à-dire depuis 2016-2017, on est tellement dans un cercle vertueux économique pour le rap que c'est plus facile pour les rappeurs d'être programmés en festival ou dans des salles de concert. Là on est avant ça, et déjà les Casseurs Flotteurs, ce sont les artistes les plus programmés, je crois, qui font le plus de dates. Il y a aussi, c'est tout bête, hein, Orelsan, encore une fois, c'est un rappeur blanc, donc je pense que pour un certain type d'auditorat, en fait, c'est plus rassurant que un rappeur d'origine maghrébine ou d'Afrique noire qui va parler de la rue, du deal, etc. Clairement, il y a aussi comme ça que ça fonctionne. Hein. On est dans un pays majoritairement blanc, justement de classe moyenne. Et ben, je pense que c'est plus rassurant pour une partie d'auditeurs. Et puis, juste parce qu'ils se reconnaissent en fait dans ce qu'ils racontent. Je pense que Micheline, qui a 60 ans, qui écoute des fêtes de famille, malgré parfois le propos un peu cru, il y a des choses dans lesquelles elle va peut-être plus se reconnaître aussi que, je sais pas. Que Kerry James, quand dans ouais, ou morceau, je sais pas, que Kobalade, oui. Qui parle du deal en bas de son blog, du bas de 7, quoi. Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Il y a une forme de proximité démographique et sociale aussi, qui fait que bah, Orelsan forcément fonctionne bien aussi, quoi. Ouais, puis il articule super bien l'individuel et le collectif. Absolument. Franchement, sur le dernier album, c'est magistral, quoi. Le fait d'arriver comme ça à parler du collectif et de l'individuel. À la fin, par exemple, de la chanson sur la manifestation, c'est l'utilisation aussi du contexte. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des rebonds de la polémique aussi dans beaucoup de textes. Oui, oui. Que ça soit explicite ou que ça soit juste dans les procédés. Là, ce qu'il fait sur le nom France, hein, qui est un nom et puis qui après. Et sur la récupération devenir... qui est faite par les chaînes de télé, ouais. L'information continue. Parce que c'est pris hors contexte, justement. Je trouve qu'on peut l'interpréter aussi comme un écho sur bah, l'importance de rappeler le contexte. Et je pense que ça parle aussi à beaucoup de gens parce que quand il parle de lui, il y a possibilité. Comment dire, c'est jamais vraiment du pur journal intime ou. Enfin, ça reste ouvert. Et c'est pour tous les facteurs démographiques dont tu parlais, mais aussi parce que c'est écrit comme ça, quoi. La fin, voilà, petite histoire et la grande histoire. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu venir la première fois que j'ai écouté ce titre-là. À la fin, genre. Et je crois que c'est justement sur ce titre, sur Manifeste, où on se rend compte à quel point son persona un petit peu effacé, pas engagé politiquement, un peu dilettante, est utile parce que on peut coller dessus tout ce qu'on veut en fonction du contexte qu'il décrit. Et si jamais il était beaucoup plus militant, comme certains autres rappeurs sur certains sujets, c'est ce qui arrive aussi même en humour particulièrement, quand au bout d'un moment un humoriste est trop étiqueté, il y a toute une partie de la population qui va plus l'écouter en disant non, toi je sais ce que tu essaies de me faire, tu vas me vendre une propagande de gauche, une propagande de droite, etc., je t'écoute plus. Et Orelsan, en fait, il est toujours sur ce truc au milieu du guet en disant moi je sais pas trop, et au final il est terriblement engagé, mais simplement on l'a pas vu venir, et je pense que c'est vraiment sur Manifeste où vraiment c'est le plus flagrant. Et aussi sur la chanson qu'on va écouter, voilà, qui elle aussi est tirée du dernier album. On a dit que Orelsan, plus il avançait, plus il mûrissait, et je trouve que la chanson qu'on va écouter le prouve encore. On en a parlé tout à l'heure, Baise le monde, tirée de l'album Civilisation, sorti en 2021. Ouais.

parce qu'il bulle un peu d'une certaine manière et parce qu'il est peut-être moins travailleur qu'Aurel San, bah il va beaucoup moins d'ambition aussi. Aussi peut-être il y a aussi cette question d'ambition. Bah sa chance va un peu lui échapper des mains, mais il va toujours être près d'Aurel San. Il apparaît sur tous ses albums justement avant la sortie de cet album Casseur Flotteur. Et ouais, ils ont une dynamique tous les deux parce que je pense que c'est tous les deux, bah c'est les personnages de Bloqué ou même de leur album de leur premier album justement. Aurel San et Gringe sont les Casseurs Flotteurs. Ces espèces de mecs qui traînent, qui ont des petits boulots pour vivre. Il y a une espèce de sous-texte social aussi d'une certaine manière, des mecs qui bossent à l'intérim, ce qui a été Aurel San à ses débuts quand il bossait dans un hôtel. Et d'ailleurs Gringe a repris le même taf dans cet hôtel de nuit, sauf que lui il s'est fait virer au bout de deux mois. Mais je pense que c'est ça, ça dit beaucoup. Il y a un morceau qui s'appelle Prends des pièces par exemple, dans lequel il parle de ça aussi, de cette espèce de précarité quand on a un jeune adulte qui a pas vraiment de diplôme et qui essaye de vivre comme il peut, quoi. Et donc ils mettent ça en scène avec brio parce que c'est un album qui est vraiment très drôle, sur lequel il y a la règle de la journée, je sais plus comment on appelle ça en littérature, chaque horaire c'est une chanson, voilà, genre. C'est ça, et tout se passe dans la même journée et ils arrivent à raconter plein de choses sur justement leur errance affectueuse et sentimentale, économique et sociale aussi, sur leur addiction à l'alcool, enfin des trucs que connaissent plein de jeunes hommes au début de leur vingtaine quand ils se construisent en tant qu'adultes, et avec qui effectivement ils vont construire deux albums, parce que mine de rien il va y avoir ce premier album mais aussi celui qui va être la BO du film Comment c'est loin. Et ça va les mener assez loin en termes de créativité, quoi. Andy ? Et en fait, je pense que c'est aussi une période qui a été hyper bénéfique pour lui parce que ça lui a permis de respirer, quoi. Parce que je pense qu'il n'aurait pas été inspiré du tout pour faire un album après Le Chant des Sirènes. Il a vraiment. Aurel San, c'est un rappeur qui est très écrit, en fait. C'est un rap hyper écrit. Il a besoin de thèmes. C'est rarement un mec qui va te faire. Une chanson pour t'ambiancer, il a toujours besoin de thèmes et du coup, il a forcément besoin de beaucoup d'inspiration et beaucoup vivre. Et du coup, je pense. Oui, puis on avait l'impression que c'était une opération, pas sauvetage, parce que le mot est fort, mais Gringe, on va te sortir de ton canapé. Donnant. Il faut que le grand public sache ce que nous, on sait de toi depuis des années. Mais ce que je trouve absolument rare dans une industrie de chanteurs, c'est de voir quelqu'un qui prend le temps et l'énergie de mettre ou de la scène quelqu'un qui pourrait totalement être un rival dans d'autres circonstances, parce que c'est des pattes, quoi. Ouais. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que dans cet album là et même dans le film, Skred et Ablai ont autant de place aussi. Oui. Voilà. Oui. Alors en ayant des rôles hyper caricaturaux des producteurs qui veulent avoir un peu un retour sur investissement, quoi, sur les artistes sur lesquels ils mettent de l'argent, mais je pense que c'est ça, c'est que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une aventure humaine et d'amitié, et c'est pour ça que effectivement Aurel San, Il y avait un morceau sur son deuxième album, sur l'album Le Chant des Sirènes, qui s'appelle La Morale, justement, dans lequel il parle de cette relation d'amitié où parfois finalement les liens se distendent et puis finalement les liens sont tellement forts qu'on arrive à retrouver un peu ce qu'on a perdu sur le bord de la route. Et bah c'est exactement ça. Et oui, d'ailleurs à la fin de ce morceau, Gringe dit d'Ivoire, j'ai écouté ton morceau, c'est pas de moi dont tu parles là. Donc oui, voilà, en fait je pense que c'est simplement ça, c'est que c'est une, là vous parliez d'industrie musicale etc, je pense que ça va au-delà de ça, c'est que c'est une amitié à la base, donc de toute façon musique ou pas, il y a des choses qui les réunissent avant, quoi. Exactement. Pour reprendre ce que tu disais, ça reste quand même une mission que Aurel San s'est donnée, d'accompagner avec lui le socle, les fondations qu'il a pu construire avec Gringe. Et selon moi, je pense qu'Aurel San aurait aimé être un peu comme Gringe, et Gringe aurait aimé être un peu comme Aurel San. Donc du coup, ils se complètent parfaitement. Et Raphaël, tu disais que il avait raté un petit peu le coche, Gringe. Je suis pas sûr, en fait. Avec du recul, je pense que les choses auraient pas pu se passer autrement pour Gringe. Il avait vraiment besoin de se perdre, parce que il est revenu récemment avec un ouvrage où il parle de la maladie de son frère. La maladie de son frère, qui est schizophrène. Exactement. Donc et même c'est lancé en cinéma aussi. Il est bah évidemment, parce que il a le physique et qui plaît au cinéma français énormément. Puis en plus c'est un bon acteur. Bien sûr. Mais également son premier album est extrêmement mélancolique par rapport à Aurel San. On sent que lui il a des abysses il peut passer d'un amour passionné à des moments down où vraiment je vais quitter mon boulot, je vais quitter mon. On sent dans ces textes que c'est quelqu'un qui peut partir en vrille, et d'ailleurs on le sent quand les Ablai et Skred parlent de lui, que Gringe, quand on lui donne un rendez-vous, on sait pas s'il va être là, parce que en fait, ça peut être un jour sans, quoi. Oui. Ils savent jamais où il est tant qu'il est pas là. Je sais qu'à l'époque il avait pas trop de téléphone, pas trop de réseau. Donc en fait, c'est ouais, c'est un mec. Là, il dort dans des hôtels pour, juste parce qu'il est, il, ça, c'est la grand romantique. Voilà, il est meilleur que chez lui. Enfin, le brin ténébreux, voilà. Ouais, il y a vraiment un truc ténébreux au sens plus réel du terme. Du terme quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est toujours dans le schéma du shonen, c'est-à-dire avec Naruto et Sasuke. Il est où Sasuke? Bah, il est en forêt là. Il va pas bien. Bah, c'est gringe. C'est l'artiste torturé. Ah, mais complètement. On est vraiment dans ce schéma-là de l'alter ego. Obscur qui voilà bah, il est parti vivre un truc, il reviendra sûrement quand on aura besoin de lui. Il reviendra encore plus fort. Voilà pour aider le héros voilà. Et alors c'est aussi ce moment où on retourne vers le côté perfectionniste de Orelsan, très très loin de l'image de dilettante. C'est que pendant la tournée Castor Flotter, il écrit donc le film. Il lit des bouquins masterclass pour comment réaliser un film. Il rencontre pour produire le film, c'est mieux d'avoir un programme court pour que les financeurs puissent. Donc il fait bloquer avec Kian Colandi et Davo. Mais c'est hallucinant en fait quand on y réfléchit le degré, la somme de travail que cet homme est capable de produire en tournée. Juste à la sortie du Chant des Sirènes, qui a déjà eu des victoires de la musique, c'est phénoménal. Je suis d'accord, mais je suis pas sûr que lui il voit ça comme du travail. C'est vraiment son essence. Il a besoin. On le voit dans le docu. Il est en tournée. Il fait un show. Il appelle Jonathan Cohen. Mais j'ai envie de croire moi qu'il l'a vraiment appelé comme ça. C'est un créatif. Ouais, voilà, c'est ça. Et que là, il se met. Ouais, je suis en train d'écrire. Je bidouille un truc pour écrire sur un film. C'est que c'est il se nourrit de ça. Il faudrait lui poser la question. Je pense pas que c'est du travail pour lui, vraiment. Bah, il le dit d'ailleurs hein, dans son dernier album. C'est sur quel morceau déjà? Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour, absolument. Oui, dit en fait tous les jours. D'ailleurs, je me lève à 8h, c'est pas un horaire pour un rappeur normalement. Oui, il est capable d'écrire dès le matin. Voilà, c'est ça. En fait, ouais. C'est simplement que c'est sa passion, quoi. C'est un créatif. Voilà. Il peut écrire. Il a une ligne de vêtements aussi. Il a une ligne de vêtements. Il a fait du doublage. D'ailleurs, avec Gringe et Redouane Arjan, un humoriste très très bon. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Ils ont doublé Moutafoukaz, l'adaptation dessin animé de la bande dessinée de Guillaume Renard. Par les studios Ankama et 4 degrés. Et d'ailleurs, je signale aussi la sortie de la suite de Moutafoukaz en BD par le label 619. Excellente bande dessinée. Je vous invite, si vous aimez Orelsan, vous aimerez forcément Moutafoukaz. Et le premier film d'animation est actuellement disponible, je crois, sur Netflix, si vous voulez le voir, et ça vaut le coup. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, on a parlé des Castor Flotter et qu'est-ce que vous avez pensé de cet album justement des Castor Flotter? Est-ce qu'il y a un morceau en particulier qui vous est resté en tête qui singularise bien le... Enfin, en fait j'aime tellement l'album que c'est un peu dur pour moi, mais j'aime beaucoup Prendre des pièces ou Deux connards dans un abribus. Oui. En fait, j'aime bien dès qu'ils commencent à aller dans l'absurde ou même la mort du disque. Moi, je vais tous les citer, mais voilà. En fait, dès qu'ils commencent à aller dans l'absurde, mais qu'ils utilisent l'absurde pour développer, dérouler un thème comme ça, je trouve ça assez fort de leur part. Tu vois, dans les films d'horreur, le mec qu'on n'écoute jamais, qui dit aux autres, et les mecs, on devrait pas aller par là, sinon on va tous crever. Bah, c'est exactement ce que fait un écolo avec le reste du monde. Je comprends pas, tu te fais engueuler quand tu jettes un papier par terre, alors que le goudron sur lequel tu l'as acheté mettra beaucoup plus de temps à se dégrader. Quand tu pisses dans la rue, les gens ils disent que c'est dégueulasse, alors que t'économises une chasse d'eau. Non mais s'il y a des catastrophes naturelles, c'est parce qu'on met pas assez la nature à l'amende. Faut lui rendre coup pour coup, mon gars. C'est quoi, s'il y a un tsunami, moi je prends un 4x4, je roule pendant 8 heures, et je vais jeter toutes mes piles dans la mer. Moi je fais pas le tri, ça sert à rien, les éboueurs ils rejettent tout dans la même poubelle à la fin. Ah ouais, t'es sûr de ça? J'ai jamais vérifié. J'ai peur que si c'est pas vrai, je sois obligé de trier après. T'as déjà fait un tri pas sélectif? Je suis un humain, donc je suis biodégradable. Voilà, je suis écolo. Les animaux, ça compte comme la nature? Ils devraient installer une éolienne dans le salon. Avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville. Moi, je bosse pas, donc je prends pas la bagnole. Du coup, je gagne pas de thunes, donc je prends pas l'avion. C'est pas comme si je prenais des douches tous les jours non plus. Pour ce qui est de l'eau du robinet, on boit de la bière. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux. Okay. fait les balles. Alors pousse le volume et fais les balles. Rien à foutre d'être malhonnête. Tu passes devant mais t'ouvres jamais ta boîte aux lettres. Si tu te resserres un verre pour faire passer la cuite d'hier. Discussion, binaire, réflexion, primaire. Si ça part en sucette même quand t'es juste une amie. Deux minutes après que tu l'aies baisé, y'a plus de magie. T'appliques la mentalité pas vue, pas pris. Négatif à la banque, t'as pas de quoi te payer de trucs gratuits. T'oublies ce que les gens te racontent dans la seconde. Tu sais pas briquer mais tu vas quand même dans la ronde. Tu supportes pas qu'on te chambre, souvent ça part en baston. Tu cognes en premier, juste après tu demandes pardon. Quand elle cherche à t'exciter, t'essayes de l'esquiver. Parce qu'il te reste encore une semaine pour te faire dépister. Tu mens jamais mais tu dis pas vraiment la vérité. C'est grillé, terminé, c'est plié, RIP. Et tu feras des grandes choses quand t'auras trouvé lesquelles. T'as pas écrit l'histoire, mais tu la connais quand même. Fais les bacs, fais les bacs, fais les bacs, fais les bacs. Fais les bacs, fais les bacs, fais les bacs, fais les bacs. Fais les bacs, fais les bacs, alors pousse le volume et fais les bacs. Fais les bacs de l'album Casseur Flotteur sorti en 2013. Alors évidemment, là après Le Chant des Sirènes, après l'album des Casseurs Flotteurs, après Perdu d'avance, les victoires de la musique dans la poche, une reconnaissance du grand public, on pourrait se dire, il y a des gens, ils terminent là en fait. Mais lui il se dit, bah non, je vais faire un troisième album, et il revient avec La Fête est finie. Et une fois de plus, avec un titre d'une redoutable efficacité, d'ailleurs il n'y a que Scred et lui qui ont tendance à y croire, basique. Qui fait un buzz monumental sur la planète. On a vu des infirmières reprendre ça, des avocats. Enfin, une fois de plus, d'où ça vient cette idée de se réussir à se réinventer avec l'album La Fête est finie. Andy. Non. Pardon. Je pense que dans un premier temps, il a pris le temps. Il a vraiment pris le temps, comme t'expliquais Andy, de après sa petite son petit moment de récréatif avec Gringe, avec les Casseurs Flotteurs. Ce qui me fait rire, c'est que vous appeliez les mecs, ils font une tournée un peu partout en France. Ils sont au disque de platine. Oui, mais c'est récréatif. Bah oui, parce que on a fait un film et une série. Oui, mais en fait, moi-même qui suis créatif, on arrive à. Ben, je pense, je parle à la place d'Orelsan, et je pense qu'il arrive à vraiment scinder les choses dont il va, là où il va puiser. Et niveau musical, je pense il a pas puisé dans tout ce qui lui pompait de l'énergie depuis Le Chant des Sirènes, et là il revient inspiré. Ouais, sur Basique, c'est la vidéo aussi qui est géniale, et ça c'était dans les racines du projet, enfin l'attention à l'image, et il y a vraiment particulièrement sur cette vidéo là une osmose entre l'image et le contenu, enfin de commencer sur ce plan, corridor avec les grues derrière. Ouais, et entre le premier plan et le dernier plan, l'invitation à prendre de la hauteur, et enfin le propos fait vraiment corps entre l'image et le texte et la musique, et ça c'est quelque chose qui est présent depuis le début. En fait, finalement, il se réinvente pas, il approfondit. Il va toujours plus loin dans cette idée-là de considérer ce qu'il fait comme un tout avec l'image. Oui, d'ailleurs, c'est aussi les moments où il est devenu de plus en plus actif et décisionnaire sur la manière dont on montre des images de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il a mis à profit sur les Casseurs Flotteurs, où ils ont fait les clips, d'où l'instant récréatif. Oui, voilà, où il casse des CD de mille et une manières. Ah, c'est génial. Je vais violer ton CD. Le clip est incroyable, en fait. Exactement. Et la musique aussi, c'est un parti pris assez particulier d'aller chercher. Je vais peut-être pas réussir à nommer la couleur, la texture qu'il utilise, mais c'est limite du métal. Il y a des inspirations vraiment particulières. Et ce morceau-là illustre parfaitement sa volonté il est dans l'anticipation, en fait. Ok, le CD, ça y est, on l'a détruit. Maintenant, comment on va se réinventer? Et avec le fait d'aller tourner un clip en Ukraine, c'est lui qui ramène cette mode, parce qu'après, tout le monde est parti en Ukraine tourner. Ouais. Donc voilà, il a un temps d'avance, en fait. Moi, ce que je trouve très fort avec ce morceau, dont j'ai déjà oublié le nom, Basique. Basique. excusez-moi, j'ai eu une absence. C'est qu'en fait, c'est un contre-pied total à ce que va être l'album après. C'est un album très introspectif. Oui. Je le disais tout à l'heure, où il ressort un petit peu les fantômes du placard, dans lequel il y a des espèces de fantômes de son adolescence, de sa jeunesse. Oui. Puis un véritable hommage à ses grands-parents, ce qui est assez rare. Ouais, sur la réédition de l'album, effectivement. Il y a vraiment un truc sur cet album-là où on sent qu'il veut revenir un peu sur sa propre histoire pour essayer de comprendre où il va, justement. D'où le morceau aussi à la fin de l'album qui est Note pour trop tard, justement, où il fait un bilan, d'une certaine manière, un bilan de sa vie. Et où, comme un héros de shonen, il tire un peu ses leçons. C'est vraiment le moment, cet album-là, La Fête est finie, où vraiment, bah voilà, il se regarde dans le miroir. Et pour moi, c'est son album aussi le plus abouti. C'est parce que il arrive à faire de la musique populaire avec de la musique très pointue, puisqu'il va chercher des choses qui vont vers la musique garage anglaise. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté la grime des artistes comme Dizzy Rascal, qu'on retrouve sur l'album, comme The Street. Mais il va aussi chercher des choses qui ressemblent parfois à du Jack U, donc ce binôme de Diplo et de Skrillex. Alors que sur justement Le Chant des Sirènes, il faisait du Skrillex en faisant de la dubstep. C'est des morceaux qui ont très très mal vieilli. Ouais. Là, en fait, tout est très bien cette maîtrisé. Cette phrase, je pense que je la comprendrai jamais. De quoi? Il faisait du Skrillex sur du dub text. Là, vous m'avez perdu. Skrillex, tout d'un coup, mon cerveau, il a fait. Désolé. Skrillex est un artiste qui a popularisé donc ce genre musical qui est la dubstep, donc un genre musical de musique électronique qui était très populaire au début des années 2010, justement ouais. Au moment où il sort Le Chant des Sirènes. Et il y a deux trois morceaux sur l'album Le Chant des Sirènes dans lesquels Orelsan fait ce choix-là. Des trous dans la tête, mauvaise idée. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est des morceaux un an après, ils étaient déjà vieux en fait. Alors que précisément sur La Fête est finie, je trouve qu'il va chercher dans ses références musicales des choses qui, à mon avis, vont beaucoup mieux passer les épreuves du temps, que ce soit des morceaux comme Dans ma ville on traîne, des morceaux comme San. Parce que c'est des choses qu'il maîtrise beaucoup mieux, c'est des choses qu'il nourrit depuis qu'il est adolescent, et aussi parce qu'il parle de lui de manière brillante, quoi. Merci Raphaël Dacroze, le médecin vient de me réanimer. Rien, avec plaisir. Je vous donne la facture à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Vous prenez la carte vitale? Absolument. Andy? Non, ouais, pour revenir sur Basique, je pense que ce morceau, il a marché aussi par le concept. Donc on en a parlé par le clip, mais aussi la chanson, c'est une somme de phrases toutes bêtes. Donc le concept fonctionne hyper bien et je pense qu'il aurait pas autant marché si il avait sorti un album l'année d'avant. En fait, il y a aussi, même si Casseur Flotteur c'est Orelsan, il y a aussi l'attente depuis 6 ans de énormément de fans qui attendaient le retour d'un solo. Mais en fait, c'est ça qui est assez fascinant dans la carrière d'Orelsan, c'est qu'on a effectivement toujours un temps assez important entre ses albums, mais comme il est toujours présent sous une forme ou sous une autre, on a l'impression qu'il est là, mais il arrive à créer une sorte d'impatience pour quelqu'un qui est tout le temps là. Exactement, et surtout que pour Casseur Flotteur, c'était quand même, ils ont passé quoi, 3-4 ans exactement sur le même délire. Je pense que même eux, à la fin, ils en pouvaient plus. Ils le disent dans l'interview, ils ont arrêté de se voir et tout pendant un an. Mais je pense que le public aussi commençait à avoir envie d'entendre autre chose d'Orelsan. Bon voilà, maintenant t'as 35, 36 ans. Montre-nous autre chose que ce que tu faisais il y a 10 ans à Caen avec ton pote, quoi. Et alors, évidemment, qui dit nouvel album d'Orelsan dit victoire de la musique, meilleure création audiovisuelle, meilleur album de musique urbaine, meilleur interprète masculin. Au bout d'un moment, est-ce que c'est devenu une sorte de passage obligé désormais avec Orelsan? C'est quand on sait qu'il va sortir un album, c'est un petit peu comme Angèle en Angleterre. On dit alors cette année, les victoires de la musique, c'est pour lui. Adèle. Oui, Angèle. C'est pas la même. Ouais. Là, on va toucher quand même un sujet un petit peu épineux dans l'industrie du rap. Mais justement, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Moi, de mon avis personnel, c'est qu'il les mérite, toutes ces reconnaissances, toutes ces louanges. Signe de reconnaissance. Oui, c'est même le trophée. Enfin, victoire. Toutes ces victoires, il les mérite. Mais comme d'autres aussi. Exactement. Et on va dire que malheureusement, c'est... Et on les voit pas, eux. C'est pas très bien représenté. Et SCH a fait une magnifique déclaration il y a 3-4 jours. On est le 15 février. Et justement, c'est pas représentatif de toute la scène rap, ce que les victoires de la musique nous suggèrent au public. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Encore une fois, on est dans un pays majoritairement de classe moyenne blanche. Orelsan, il a toutes les cases. Il a toutes les cases. C'est un mot qui est à la mode, mais qui dit des choses effectivement pertinentes. Il profite, bon gré mal gré, enfin malgré lui, d'une certaine manière, d'un privilège blanc, et c'est certain en fait. Ouais. Mais même lui, je pense qu'il en a conscience. De toute façon, il l'a dit. Il l'a dit. En 2017, il l'a dit. Nekfeu l'a dit aussi. Enfin, oui. Je pense que tous ces artistes-là le savent en fait que précisément, c'est ce que je disais en début d'émission. Il y a une forme de projection aussi quand on est un auditeur et qu'on est un consommateur d'une œuvre ou d'un art de quelque manière que ce soit. On se projette aussi sur ce qu'est l'artiste. Et oui, c'est clairement ça chez Orelsan. Mais j'ai pas l'impression qu'il en profite de manière et hontée. Voilà, c'est ça. Malsaine. Je pense qu'il comprend aussi. Il comprend tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois dans ses albums aussi, il a toujours des petites phrases pour le racisme en France, par exemple aussi. Je pense qu'il a conscience de complètement de ça. Mais oui, aujourd'hui, c'est un artiste, au-delà du fait que ce soit un rappeur, qui est complètement ancré dans la musique et le paysage musical de l'industrie française. D'une part par son talent, tu l'as très bien dit, Mehdi, mais aussi parce que bah, c'est un visage plus rassurant, c'est sûr, quoi. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête, sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. La pluie tirée de La fête est finie, sortie en 2017. On en parlait pendant le morceau hors antenne. Je trouve que vraiment Aurel San et Stromae ensemble, c'est un petit peu la Dream Team, les Avengers de la musique moderne. C'est-à-dire on contrôle tout, notre communication, nos événements, notre promo. Et je sais pas quel est votre point de vue désormais sur ces artistes qui ne sont plus soumis à attendre qu'on les appelle, mais qui créent l'événement tout seul. Bah, je pense que c'est quand on arrive à avoir aussi un certain statut qu'on peut se le permettre. Hein. Des gens comme PNL, comme Nekfeu, ils font pas d'interview. Encore l'an dernier, leur album sorti en 2019, c'était parmi les plus écoutés dans l'année, les plus vendus dans l'année. Donc oui, de toute façon, des gens comme Stromae et Orelsan ont aussi atteint le même statut et ils ont pas besoin de se plier nécessairement à cet exercice-là. Orelsan l'a fait quand même un petit peu là. Il est passé chez France Inter, il est passé aussi chez nous, chez Move. Donc je pense qu'il s'y plie de temps en temps. Après, l'exercice est toujours est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est du journalisme. Voilà le passage de Stromae. On fait une légère digression, mais ça pose un peu la question de qu'est-ce qui est de la part du journalisme et d'un échange libre, on va dire, et de la com. J'ai pas l'impression qu'Aurel San y soit dans ce truc-là, même s'il maîtrise très bien aujourd'hui sa communication, et on le voit avec le documentaire justement qu'a fait son frère sur lui, quoi. Et évidemment, on arrive à ce quatrième album, Civilisation, alors qui est d'ores et déjà un succès, qui vient de nouveau d'être couronné par une victoire de la musique. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi à se renouveler? Parce que c'est vrai que Civilisation, on a l'impression que c'est une sorte de point final, de regard tourné vers l'horizon. Est-ce que jusqu'à maintenant, il a su se renouveler? Et quel avenir vous imaginez pour lui, Andy? Pour moi, j'ai l'impression qu'il commence un peu, à prévoir la suite de sa carrière musicale, j'ai l'impression qu'il commence à vraiment de plus en plus s'émanciper du rap. Et j'ai l'impression qu'il pose un peu les bases de ça. Et vraiment, je pense que plus il va vieillir, plus la part de chanson va augmenter, la part de rap diminuer. Et Civilisation, c'est pour moi, c'est un album parfait qui montre ça, où il devient un peu maître dans la chanson. Il avait commencé déjà hyper tôt. Il a toujours adoré la pop, etc. On a parlé avec Michael Jackson. Mais là, il commence à le maîtriser au point où on pourrait se dire, dans 2 ans, il fait un album où il n'y a aucun rap, quoi. Même si je ne pense pas qu'il le fera. C'est quoi votre titre préféré sur l'album ? Moi, c'est Athéna, très particulièrement. Quel romantique. Évidemment. Non, parce que, ouais, non, je trouve qu'il est hyper bien écrit. Le piano de phase, je trouve extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et voilà, non, je trouve que c'est le moment d'émotion le plus pur de l'album. Si je peux. Oui, Raphaël Lacoste. En fait, c'est trop tôt pour le dire par rapport à l'échelle de sa carrière, puisqu'il a sorti 4 albums solo. Mais là où Perdu d'avance, j'ai l'impression que c'était une forme d'aboutissement à tout ce qu'il avait nourri en rap pour sortir ce premier album. Le Chant des sirènes, c'est un album sur lequel il essayait des choses, qu'il arrivait à aboutir finalement un peu plus avec Les Casseurs-Flotteurs et surtout son album La Fête est finie. J'ai l'impression que c'est un peu un album de transition. C'est-à-dire que c'est à la fois le Aurel San qui veut faire de l'ultra pop avec des morceaux comme Ensemble ou The Weeknd. Exactement, qui ressemble complètement à ce type de morceau très pop, très influencé par les années 80. Ou alors des choses où, au contraire, il va aller dans des musiques de niche comme Sauce Magique Bogos, j'ai encore oublié le titre. Ouais, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Ça promet, non? Non. Non. Fait du bien. je sais plus comment il s'appelle ce morceau. Bref, où il va aller chercher des. Fait du propre. Ah bah, merci, du propre. Où justement, il va aller chercher des choses extrêmement pointues. Mais en tout cas, j'ai la sensation. Ouais, qui tire de plus en plus vers la pop, et surtout qu'il a complètement tourné la page de sa phase effectivement adolescente, adolescente, et que là il commence à avoir un discours de daron, quoi. Donc ça va être intéressant de voir une fois qu'il va vraiment devenir daron. À mon avis, c'est l'étape d'après. Lui il fait plusieurs albums de la maturité. Ouais, hein. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas là si en l'état il est déjà père ou s'il prévoit de l'être. En tout cas, il en parle. Il y a 2-3 moments où il fait des suggestions à et cette même idée-là. Le documentaire est un peu une bande-annonce de sa paternité, ouais. Parce qu'il y a son frère qui dit: mais quelle réaction t'as eu quand je t'ai annoncé la naissance de mes enfants? C'est ça, exactement. On le sent. Oui. Il parle de son mariage d'ailleurs à un moment aussi dans cet album-là. Et ben, ça va être intéressant de voir Aurel San qui change des couches et qui laisse son enfant à la crèche, etc. Parce que je pense que il a toujours ce regard tellement grinçant sur certaines choses, mais avec une pointe d'innocence aussi, que à mon avis ce sera forcément intéressant, et de voir comment il arrive à habiller ça musicalement peut-être dans l'album d'après, quoi. Ouais, comment il va gérer la privation de sommeil pendant 3 ans. Ouais, aussi, ouais. Qu'est-ce que ça va lui faire? Bah, je pense que déjà il dort plus beaucoup là, vu tout ce qui lui passe par la tête, donc voilà. Ouais, mais c'est pas parce qu'il choisit, ça sera pas pareil. Le changement de rythme, c'est vrai que ça va être intéressant, ce que ça va impliquer. Puis globalement, sur la question de est-ce qu'il a réussi à se renouveler, vous parliez d'Adèle tout à l'heure. La question du temps, en fait, de son âge, qui est vraiment ancré dans. On retrouve ça chez Adèle aussi. Oui, tout à fait. Donc lui, dans son époque, et ça marche, et ça fait aussi. J'ai le sentiment que ça devient de plus en plus ouvertement politique. Ce qui raconte, enfin, l'inquiétude, le futur, à partir du moment où il a un regard de daron, il regarde vers le futur, ça fait que les thématiques écolo, c'est de moins en moins de la blague, en fait. Ben oui, c'est-à-dire que ce monde-là, c'est le monde dans lequel les enfants risquent d'évoluer, donc on y réfléchit beaucoup plus sérieusement. Oui, et dans les extraits que vous aviez choisi de bloquer, c'était déjà quand même très présent, quand on y repense, mais là, ça devient de plus en plus là, cette espèce d'angoisse, existentielle et collective. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ce fil-là, j'ai l'impression qu'il va forcément le développer. Et je me demande comment, en fait, artistiquement, ça va. Eh bien, moi, je vais parler au nom de Yanis, qui n'est pas là, le créateur de la chaîne Le Rap en Mieux. Lui, il pronostique que le moment est arrivé pour refaire un album Casseur-Flotteur. Il sent qu'il a peut-être besoin d'un moment récréatif. Il y a le morceau Infinity. Oui, avec Gringe. Son cool Infinity, ouais. Oui. Gringe aussi, peut-être il a besoin un peu de s'amuser. Et peut-être qu'il va ressortir la sulfateuse à Punchline. C'est un pronostic de. Ou refaire un film. Ah bah ça c'est. Je pense qu'il va y repasser. Hein. Il aime trop ça. Moi personnellement, je me serais peut-être pas permis si c'était toi, mais je connais Yanis. Ouais. Donc je peux te dire que c'est une idée de merde. Je trouve ça absolument impossible. Je pense que c'est trop passé. Et tu vois bien dans Casseur-Flotteur Infinity, ils arrivent pas à faire autre chose que déconner, en fait. Et au bout d'un moment, je pense que 40-45 piges, ça aura plus vraiment d'utilité. Mais franchement, je serais le premier à être content si. Un petit album, crise de la quarantaine de deux potes qui vivent mal leur mariage et leur paternité, ça peut être très drôle aussi. Ça peut être drôle, mais personnellement, j'y crois pas. Je pense que vraiment, surtout là, il va se concentrer sur le cinéma, et on sait que le cinéma, ça prend des années. Donc je pense que. Ah, il fait ça vite. Il apprend le jour 1 du tournage, il apprend. Non, mais c'est vrai que pour Civilisation, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un album de conséquences les conséquences politiques, les conséquences écologiques, les conséquences de la vie de couple et comment on gère ces conséquences pour imaginer un lendemain. Donc effectivement, je suis très curieux de voir quelle direction, dans quelle direction il peut aller. En tout cas, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à toi. Merci Céline Pruvot, Raphaël Dacruz, Andy Serrant, Mehdi et Igoudjil pour avoir été avec moi pour évoquer Orelsan. Ce blockbuster a été réalisé par Étienne Bertin. Il a été préparé par Margot Terre et aujourd'hui à la technique, Arnaud Caillet. On se retrouve dans 15 jours pour parler du manga phénomène Demon Slayer. Évidemment, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Cette histoire-là, je sais pas, tu résumerais ça comment ? C'est quoi le pitch ? C'est quoi le... C'est que le début, en fait. Bon, c'est que le début. Et t'as dit, c'est que le début. Ouais, les deux en même temps. Ouais. Waouh. Mais parce que les deux s'est dit ça là. Ils ont un plan derrière la tête et je suis pas au courant. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.